Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir? Je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit encore sans trouver de répit. Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges. En toi nos pères avaient mis leur confiance. Ils criaient vers toi et tu les délivrais. Moi je suis un ver et non un homme, objet de mépris, moqué par la nation. Tous ceux qui me voient se rient de moi. Hochant la tête avec dérision, ils se confiaient en l'Éternel. Qu'il le sauve s'il aime vraiment. Pourtant c'est toi qui m'as fait sortir du sein, qui m'a entouré de ta main dès le commencement. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche. Et personne pour m'aider. Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin. Viens vite à mon secours, viens me sauver. Des taureaux nombreux m'environnent, des puissants de Bazan me cernent de près. Ils ouvrent la gueule contre moi comme un lion. Je suis répandu comme l'eau, tout en moi se défait. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils se partagent mes vêtements entre eux et tirent au sort ma tunique en morceaux. Mais je raconterai ton nom à mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Les humbles mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel loueront ta bonté. Toutes les extrémités de la terre se souviendront et reviendront à toi. Et toutes les familles des nations se prosterneront devant ton roi. La postérité servira l'Éternel. On annoncera ta justice aux générations. On dira qu'il accomplit son œuvre. Qu'il est le Dieu du salut et de la rédemption. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche. Et personne pour m'aider. Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin. Viens vite à mon secours, viens me sauver.